Bonsoir à tous, Jean-François Lusignan au micro. Bienvenue à l'émission Le Terminus en ce vendredi 15 mars. Émission un peu spéciale ce soir. Donc, une heure de rock indépendant. Pour vous donner un petit aperçu, vous allez entendre pendant cette heure des nouveautés de Protofiev, Pompéi, Soons, et on va aussi avoir de la musique de Peter Cornell, également de Bats, du côté du classique de la semaine. Je vous préviens, le premier segment va être assez mollo, on pourrait dire assez tranquille, va rocker un petit peu moins. On va commencer avec Sun Jacket, un nouveau groupe de Chicago. Ils ont lancé depuis le mois de février environ, c'est ça, 4 chansons sur Bandcamp et ils n'ont même pas encore joué en spectacle. Donc, ils préparent tranquillement le terrain pour ce premier, fameux premier spectacle qui va avoir lieu le 28 mars prochain dans leur Chicago natal. Et je vous propose d'écouter Partition, une de ces 4 chansons-là. Une chanson qui s'aventure un peu dans l'univers de Radiohead. Vous allez vous en rencontrer, entre autres, avec le loop de guitare. Alors, on écoute tout de suite sur les ondes de CISM 89.3, Sunset Jacket et la chanson Partition.

les Français de Feeling of Love avec, attention, I could be better than you, but I wanna change. Ils vont lancer, ces Français-là, le 4 avril prochain, leur deuxième album qui s'appelle Reward Your Grace. Et ça marque une certaine nouvelle étape dans l'histoire du groupe parce qu'ils ont, pendant les derniers mois, fait la première partie de plusieurs groupes garage assez importants comme Ty Segall, White Fence, The OCs et Strange Boys, entre autres. Et juste avant les Français de Feeling of Love, c'était Night Dogs, un quintet de Brooklyn qui sonne pas mal comme The Walkmen, mais ça se prend bien en attendant un prochain album, The Walkmen, et c'était de leur album Another Year, la chanson Night Brothers. On va poursuivre avec une quatrième nouveauté en quatre chansons. C'est maintenant Summer Flake, le projet de Stephanie Crace, qui est une Australienne qui doit pas mal avoir écouté Land of Talk, en fait, le projet d'Elizabeth Powell, la Montréalaise, parce que ça sonne pas mal similaire. Alors, à l'émission Le Terminus, voici Where Do I Go de Summer Flake. I'm Directement de Winnipeg, c'était Departures avec Being There. Ça se retrouve sur un album qui est sorti l'année dernière, Still and Moving Lines. Donc, de Departures. Et si vous voulez retrouver la liste des chansons qui tournent pendant l'heure, ça va se retrouver dans quelques minutes après la fin de l'émission sur le CISM893.ca. On va continuer maintenant avec un autre groupe canadien, en fait, à moitié canadien, un groupe canado-suisse pour être plus précis. Il s'agit de Peter Kernell qui sont actuellement en pause pour laisser un peu toute la place à la chanteuse du groupe, Barbara Lenoff, qui vient de faire apparaître deux chansons de son nouveau projet rap dance qui s'appelle Camilla Sparks, ça c'est le nom du projet. Et assez unique comme projet, c'est elle seule sur scène avec des platines et une ballerine qui danse. Donc assez spécial et j'imagine à voir si jamais elle vient nous présenter ça à Montréal. Pour l'instant, elle est en tournée en Europe, en France, je pense, actuellement. Et après, bien enfin, donc on va attendre justement du Peter Kernell, comme je le disais, de l'album How to Perform a Funeral, ça sera la chanson Smiling. Et c'est pas mal ça, et ensuite ça sera du Navet Confit. Tout ça sur les ondes de CISM, le 89.3. Est un mouvement, ce véhicule est un mouvement, ce véhicule. jusqu'à 22h. C'est l'émission Le Terminus qui se poursuit. Vous venez d'entendre New York de la formation locale Pai Pai, qui est formée en partie d'anciens membres ou de membres, en tout cas, de Duchesse 16, Annie-Claude, Simon et Philippe, et également de membres de Red Mass. Est-ce que j'en ai compris selon ce que dit leur page Facebook? Et juste avant Pai Pai, c'était également Navet Confit avec Hebdomadaire et ses extraits de son EP numéro 5. On est maintenant rendu au classique de la semaine, c'est l'album Daddy's Highway des Néo-Zélandais de The Bats, qui est sorti en 87 et qui est en fait leur premier album complet. Le groupe s'est en fait reformé en 82 et on a dû attendre environ 5 ans pour ce premier album. Le groupe est toujours actif. Le dernier album remonte à 2011 et si on revient davantage à l'album Daddy's Highway, ben, il est considéré par plusieurs spécialistes comme étant un des meilleurs albums néo-zélandais des années 80. Et c'est pas rien. Et il aura en quelque sorte défini aussi le son rock kiwi. Le kiwi ou rock, je sais pas trop c'est quoi, comment ça sonne, mais c'est en fait le rock de Nouvelle-Zélande. Donc, de cet album de The Bats, voici la chanson North by North sur les ondes de CISM. We'll be right back. Stones avec Mirror, tiré de leur tout nouvel album Images du futur. Et Stones font actuellement quelques dates de la tournée de We Are Wolves qui, eux aussi, viennent de sortir un nouvel album. Donc, si vous voulez les voir, ça risque d'être pas mal en première partie de We Are Wolves. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de les voir la semaine dernière, vendredi dernier, à Saint-Hyacinthe. Et on peut dire que les Cégepiens qui étaient là étaient pas mal là pour We Are Wolves et qu'il y avait beaucoup d'énergie à sortir sur le plancher de danse. Et qu'avec Soon, c'était un peu difficile de le faire sortir, justement, ce méchant-là. Mais c'était possible avec We Are Wolves, il n'y a pas eu de problème. Et également, dans le dernier segment, vous avez aussi entendu la musique de Pompéi avec Ne tombe pas. Et ça se retrouve sur un EP qui sortait hier, pas mal sur Bandcamp. Tapez ça, pompéi.bandcamp.com, il me semble. On poursuit maintenant avec Protofiev qui lançait eux autres aussi une nouvelle chanson. C'était dimanche dernier. On va faire leur deuxième chanson après Le Constat qui a quand même bien fonctionné. Non, Le Constat, c'est le nom de la chanson qu'on va entendre après la chanson Au Trouble plutôt, qui a assez bien fonctionné à CISM l'automne dernier. Donc, on écoute tout de suite sur les ondes de CISM l'émission Interminus Protofiev, Le Constat. We'll be right back.

FM 89.3, la marge. Solotech, votre solution en son, éclairage et vidéo depuis plus de 30 ans. La force de Solotech est de rassembler l'expertise de plusieurs entreprises spécialisées en une seule entité. C'est 30 années en son, éclairage, vidéo et nouveaux médias sur les scènes locales et internationales. C'est plus de 300 professionnels qui s'engagent à faire vivre des expériences exceptionnelles.